vous, spécialement pour Laurent Cicéron, Yoko Bassis International, oh frère, oh, tout le monde, regardez, où est-ce que vous êtes qui sont fait ça? Respect pour vous. Oui. c'est original là.